the wait, the hope. Thank you. que nous fûmes. Nous avons dit. We'll be right back. théologique. Process. Évolution. Évolution. Yeah.

Is it true? Yeah. Départ, une raison, matin d'ivresse, ordinaires. Des villes, des vagabonds, des villes, des veillées. Apple, Thank you. les papillons.